guide, la lumière menant à la reconquista. Tu es le phare qui guide la nation, luttant pour la patrie sur YouTube. Ton charisme éblouit le dissidence, Alain sera les cierges petites de mange. Nul ne se provoquer en débat, car ils ont tous bien trop peur de toi. Pierre Yves Rougeron 88, tu es le sauveur de la nation. Pierre Yves Rougeron 88, soumet la France à ta domination. Pierre Yves Rougeron 88, Pierre Yves Rougeron 88, Pierre Yves Rougeron 88, Pierre Yves Rougeron 88. Force tranquille qui guide nos pas vers la libération du pays. Si Adolphe revenait à la vie, il serait assis à ta droite. À toi grand commandeur des chambres à gaz, soldat du peuple, nous prêtons serment que même quand tu termineras une phrase, dans 50 ans nous serons toujours présents. Pierre Yves Rougeron 88, tu es le sauveur de la nation. Pierre Yves Rougeron 88, soumet la France à ta domination. Pierre Yves Rougeron 88, tu es le sauveur de la nation. Pierre Yves Rougeron 88, soumet la France à ta domination.